meurs pour de la bonne. Le fils des gens, on le connaît. Un jour, mon heure va sonner. Il faudra même pas s'étonner. Attention, mon ami, faut pas jouer. J'ai trop traîné la nuit, j'suis mal luné. Des échos dans ma tête qui me giflent le. Et si je sors le soir, stop et ne m'en fais pas. La vie qu'on mène, on voulait pas ça. Malheureusement, on est bon qu'à ça. J'portais avec un bloc dans le cartable. J'arrête pas tant que ma vie n'est pas stable. J'suis dans mon goût. Laissez-moi là, j'suis dans mon mood. Laissez-moi. Oh ma yeah, pas ma yeah. Ma chérie, j'veux pas te donner. Oh ma yeah, pas ma yeah. Les haines, j'abandonne. Oh ma yeah, pas ma yeah. Elle est là que pour mes lovers. Oh ma yeah, pas ma yeah, yeah. Pas chez moi. Pas chez moi. Pas chez moi, mon bébé. Pas chez moi. Pas chez moi. Chez moi, pas chez moi, mon bébé, pas chez moi. J'étais la pièce sourde qu'il fallait miser. Faut que la daronne voit Ibiza. On viendra les traumatiser. Un million, ça n'y suffit pas. On viendra en équipe, on t'allume, on est quitte. Les ennuis, faut que j'évite. Une baleine, ça va vite. Même si c'est chaud, on ne recule pas. Ils mangent des pics, mais je les calcule pas. Sur le gâteau, ils auront aucune part. Énervé quand je suis dans la binka. Tout en or vêtu d'Elvenchika. Je les ai vus me tourner dos pour Jika. J'suis dans mon hood. Laissez-moi là, j'suis dans mon mood. Laissez-moi. Oh my yeah, pas my yeah. Ma chérie, j'veux pas te donner. Oh my yeah, pas my yeah. Les haines, j'abandonne. Oh my yeah, pas my yeah. Elle est là que pour mes love. Oh my yeah, pas my yeah, yeah. Pas chez moi, pas chez moi.